savais, je t'aime. C'est trop tard quand même. Dis-moi, j'aurais tout fait pour toi. Je serais morte déjà, bien avant toi, peut-être, si j'avais su. Thank you.